Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Nous allons maintenant faire une plongée dans l'histoire, celle de la colonisation des États-Unis par les Anglais, qui a débuté à Jamestown, quelque part en Virginie. Alors, les archéologues ont fouillé le site, l'ont analysé avec des outils de simulation 3D et des scans, et la chapelle d'origine a été reconstruite. Alors, tout un travail d'archéologie que nous raconte Marie-Claude Dion. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors, on est en Virginie, il y a de ça 400 ans. On a les premiers colons anglais qui vont arriver sur le territoire américain pour y établir une nouvelle colonie. Là, ces colons vont nommer l'endroit Jamestown en l'honneur du roi anglais régnant à l'époque. Mm-hmm. Et c'est donc à cet emplacement-là que fut construite une des premières chapelles du continent nord-américain. Elle n'est peut-être pas existante encore aujourd'hui, mais elle a été récemment reconstruite tout près de sa localisation originelle. Mm-hmm. Et c'est donc pour en apprendre davantage sur cette colonie-là que les archéologues du projet Jamestown Rediscovery ont décidé de rebâtir cette petite chapelle en bois. Mm-hmm. Alors, parle-nous un petit peu du contexte de la découverte de ce site archéologique de Jamestown. Comment ça s'est passé? Le site a toujours été protégé, si on peut dire. Là, il est protégé dans son entièreté depuis les années 30. Donc, c'est pas nouveau, avec tout ce qu'il y avait dessus. Ce qui est, à l'époque, principalement la tour d'une église en briques qui était construite en 1639, mm-hmm. Qui est, soit dit en passant, quand même l'une des plus vieilles constructions aux États-Unis. C'est pas rien. Et le reste, veut pas, mais ça a été enseveli ou parfois même juste détruit. Il faut souligner qu'il y avait pas vraiment d'habitants à Jamestown là, depuis à peu près le mi-18e siècle. Mm-hmm. Donc, par conséquence, tout ce qui était bâti laissé à lui-même. Exactement. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des bâtiments qui n'étaient pas très entretenus. Mais en 1994, il y a un regain d'intérêt pour l'histoire du site qui va donner le coup d'envoi d'un grand chantier de fouilles archéologiques. En fait, on préparait à l'époque les festivités du quadricentenaire, comme on a fêté ici à Québec il n'y a pas si longtemps, mm-hmm. Qui fêtait donc la fondation de Jamestown qui a eu lieu en 2007 comme festivité. Et l'objectif principal de la campagne archéologique était de localiser les vestiges des premières mm-hmm. années de la colonisation à Jamestown, en particulier la ville fortifiée, et aussi ultimement comprendre le développement ultérieur de la ville. Et la chapelle, en tant que telle, celle qui a été reconstruite, elle a été découverte seulement en 2010. Ah. C'est quand même une partie plus récente des découvertes archéologiques. Mm-hmm. Donc, il n'y en avait plus de traces, on la voyait plus, on la redécouvre en 2010 et elle ressemble à quoi? En fait, les traces qu'on a, on va connaître les dimensions, on a trouvé, disons, le pourtour, les vestiges à chapelle faits dans les environs 7 mètres par 18 mètres, et sur son pourtour, on trouve une série de 8 trous de poteaux qui vont faire à peu près 7 mètres d'intervalle chacun et qui auraient vraisemblablement reçu de longs morceaux de bois qui pouvaient supporter, disons, un toit de cathédrale. Mm-hmm. Là, il faut dire qu'en archéologie, on trouve des vestiges d'un bâtiment, on ne sait pas quelle est la fonction ou l'utilisation. Ah, donc, oui. on est toujours dans le nébuleux. On va découvrir dans ce bâtiment-là un chancel. Donc, pour les néophytes, mm-hmm. Dans l'architecture ecclésiastique, le chancel, c'est la clôture du chœur, donc qui va délimiter le chœur de la nef. Mm-hmm. En d'autres mots, c'est l'endroit où est-ce qu'on va trouver l'autel. Et si on regarde les documents historiques par rapport à Jamestown, on va avoir le secrétaire de la colonie, qui s'appelle William Strachey, qui va décrire la chapelle comme ayant un chancel de cèdre. Donc, ce qui va appuyer un peu la découverte mm-hmm. archéologique, on peut quand même commencer à supposer qu'on a la présence de la chapelle. Et là, en plus, les dimensions vont correspondre à ce que d'autres personnages historiques qui ont visité l'endroit ont rapporté à l'époque. Et on rajoute là-dessus la localisation de la chapelle à l'intérieur du fort qui va concorder avec l'emplacement d'un certain X sur une carte de 1608 que l'on nomme la carte de Zuninga. Et souvent, les X vont être un peu retravaillés comme une croix, donc on peut On peut croire que c'était pour dénoter un emplacement d'une église. C'est pas un X, en fait, c'était plus une croix. Peut-être plus une croix. Ouais. Et en fait, si on n'était pas encore certain de la fonction ou de l'utilisation de ce bâtiment-là, mais les quatre sépultures qu'on a trouvées à l'intérieur du chancel, donc en dessous du supposé autel, ne font plus aucun doute sur la fonction religieuse. Et donc, ces quatre tombes-là, dès leur découverte, les archéologues ont supposé qu'elles appartenaient à quatre grands personnages qui auraient fondé Jamestown. Elles auraient été celles du révérend Robert Hunt, du maître de munitions Ferdinando Wenman, du capitaine Peter Warren et du capitaine Gabriel Archer. Et est-ce que, donc là, on est dans des suppositions, on trouve ces quatre tombes, bon, ça a l'air de coïncider avec la présence de la chapelle. Est-ce que ça s'est avéré véridique? Oui, en fait, si on regarde les documents, encore une fois, qu'on a en main, les suppositions pouvaient être très probables. Et là, aujourd'hui, on est, disons, très certain avec les hypothèses de 2010. Par contre, il y a une sépulture qu'on a eue à changer d'identité, si on peut dire. On va changer la présence du capitaine Peter Wine pour le capitaine William West. C'est un parent du Lord Delaware, qui s'appelle Thomas West, qui était le gouverneur de Virginie à l'époque. De la colonie. Et ce qu'on doit savoir, c'est que les sépultures démontrent un certain statut au sein d'une société, parce qu'ils sont enterrés dans un espace restreint et assez spécial à l'intérieur du chancel. C'est pas n'importe qui qu'on enterre à cet endroit-là. Exactement. Ouais. Et tous les hommes qui sont présumés être enterrés là sont après tout des gens de la haute société. On a des révérends, des capitaines. Et il faut ajouter aussi que trois des sépultures, d'ailleurs, étaient dans des cercueils. Et qui plus est, ces cercueils-là ont fourni les premiers artefacts trouvés lors des fouilles archéologiques sur le lieu de la chapelle. Donc, c'était des clous. Des clous. Et ça nous dit des choses, ça? Oui, quand même. Parce que là, les sépultures ou les cercueils, ils étaient relativement dans un mauvais état. Le bois des cercueils, veux, veux pas, était rendu dans un stade assez avancé de décomposition. Il restait pas grand-chose. Ouais. Et on pouvait pas facilement les sortir de terre sans tout abîmer les informations, sans perdre de l'information. Donc, on pouvait peut-être utiliser une autre technique qui s'est avérée être la modélisation 3D pour essayer d'en apprendre davantage sur les cercueils. Donc, qu'est-ce que c'est cette modélisation 3D? En fait, les archéologues ont décidé de localiser chaque clou qui pouvait être vu sur le sol pour les transmettre dans un programme d'ordinateur de modélisation de 3D. Et c'est là qu'on pouvait voir sur l'image à l'ordinateur, l'image réelle, en fait, de ce qu'on voyait, peut-être qu'on percevait pas super bien. Et là, la forme qu'on va voir des cercueils, c'est assez frappant. On va retrouver deux cercueils en forme, qu'on pourrait dire, anthropomorphique. Donc, qui prennent sensiblement la forme d'un corps humain, et le dernier qui est de forme hexagonale. Et de là, je vais faire le petit lien pour le changement de personnage qu'on a changé pour trouver qu'on a maintenant la présence de Capitaine William West. Alors, c'est le cercueil de forme hexagonale a un rapport avec la famille du Lord Delaware. C'est pour ça qu'on a pu changer l'identité d'une de ces personnes qui était enterré. Et donc, après que les analyses en 3D ont été terminées, ben là, les chercheurs, les archéologues ont pu tout enlever ce qu'il y avait de restes de bois et de sépultures. Et d'ailleurs, on a pris quelques morceaux de bois pour faire une analyse d'essence pour savoir à partir de quel matériau, à partir de quel arbre on avait fabriqué les cercueils. Et vraisemblablement, ça serait à partir de chêne blanc. Et sinon, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre dans ces tombes? Est-ce qu'il y avait juste, bon, les morceaux de bois ou est-ce qu'il y avait aussi des objets, par exemple? Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'objets, sauf peut-être une petite boîte en argent qui va quand même piquer certainement la curiosité. Elle a été enterrée avec le capitaine Gabriel Archer. C'est une petite boîte de forme hexagonale, à peu près de dizaines de centimètres de long. Et on ne pouvait pas l'ouvrir, malheureusement, parce qu'on craignait abîmer les objets qui étaient à l'intérieur. Alors, on a fait quoi? Et donc, là, on a recouru au CT scan pour voir avec les rayons X, pour voir à l'intérieur. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait quelques éclats d'eau et deux petites fioles en plomb. Intriguant. Qui, à l'époque, contenaient souvent de l'huile sainte ou de l'eau bénite. Donc, on croit que c'est ce qu'il y aurait aussi à l'intérieur de ces deux petites fioles-là. Et là, avec ces informations-là, on peut en croire que c'est un reliquaire, que c'est pas juste une petite boîte comme ça, là, saugrenue. Ce qui est assez surprenant, c'est que les reliquaires sont souvent rattachés à la foi catholique plus qu'à la foi anglicane. Ouais. Et il y avait beaucoup plus d'anglais que de gens avec une foi catholique. Ouais. Et c'est sûr que dans certains cas, dans l'histoire, on a quand même vu, ça existe quand même, des reliquaires anglicans. Mais là, sachant que Gabriel Archer est protestant anglican, on explique un peu mal pourquoi il y avait ce petit reliquaire-là qui aurait peut-être pu être catholique. Alors, il cachait peut-être sa foi aussi. Il y a une intrigue, oui. Exact. Puis, il faut aussi dire que la chapelle de Jamestown a été le lieu d'un mariage important à l'époque de la colonie. Qui étaient les mariés? Oui, en fait, là, on se retrouve au début de la colonie, en 1614. Il y a une certaine Pocahontas qui va marier un Anglais dans cette petite chapelle-là. Contrairement au conte de Disney, elle ne va pas marier le capitaine John Smith, mais plutôt un producteur de tabac qui s'appelle John Rolfe. Et on a pu connaître cette petite histoire-là grâce à la relation d'un certain Thomas Dale qui racontait les divers événements de la jeune colonie. Le mariage en était un de convenance, donc c'est pas très surprenant. C'était pour entretenir la paix entre les colons anglais et les Amérindiens qui vivaient dans la région. Et la paix, malheureusement, ne fut que de courte durée. Elle va se terminer en 1622. Mais Pocahontas était déjà plus à Jamestown à l'époque. Ah oui. Elle était rendue en Angleterre avec son mari. Malheureusement, elle va mourir assez rapidement d'une cause inexpliquée, pardon, en 1617. Et elle est même enterrée là-bas. Et pour la petite histoire, on ne sait toujours pas où elle est enterrée exactement. Ah. Donc, ça, c'est un mystère. Oui, c'est à chercher. Et donc, l'histoire romancée de Pocahontas reste assez présente, surtout aujourd'hui avec la reconstitution de la chapelle. Et c'est très lucratif aussi pour le site. Ben oui. Parce qu'on voit la sortie du film en 95 de Pocahontas, le film de Disney, et aussi avec la sortie du film de Terrence Malick en 2005 de New World. Les deux films ont apporté son lot de visiteurs et d'intérêt, en fait, envers Jamestown. Comme quoi, l'histoire, c'est loin d'être ennuyant. Oui, ben, et puis peut-être aussi que le film aura fait connaître un petit peu ce pan d'histoire aux Américains, puis à nous-mêmes aussi d'ailleurs. Exact. Merci beaucoup Marie-Claude. On passe maintenant en pause publicité, mais restez avec nous sur CKRL au 89.1. Au retour, on vous parle des astuces que les plantes ont mises en place pour conquérir de nouveaux espaces.